Dans son discours sur le mont des Oliviers, Jésus a dépeint à ses disciples les signes précurseurs de son retour sur terre, des signes manifestes pour nous aujourd'hui. Il a annoncé en particulier des guerres et des catastrophes naturelles toujours plus fréquentes, le rétablissement de la nation d'Israël et une propagation sans précédent de l'Évangile. Il a énoncé ensuite trois paraboles, celle des serviteurs, celle des dix vierges et celle des talents. Et dans cet enseignement, on retrouve à diverses reprises, comme un leitmotiv, une exhortation concernant l'imminence de son retour. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Matthieu 24, 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 25, 13. « Veillez donc et priez en tout temps, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Luc 21, 36. Mais une pierre importante manque encore à l'édifice de ce transcendant discours. Non pas une nouvelle parabole, mais la description d'une phase de cet avenir insolite auquel les disciples doivent se préparer. Aussi le Seigneur leur fait-il goûter par anticipation la scène de son retour sur la planète Terre. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Matthieu 25, 31 à 33. Jésus sera donc revenu sur terre, accompagné des anges et des saints, c'est-à-dire des chrétiens qui auront été enlevés. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ce sera le point de convergence de toute l'histoire des peuples. Mais auparavant, l'Antéchrist, l'adversaire de Dieu, aura rassemblé l'élite des forces militaires de l'humanité pour assiéger Jérusalem et combattre contre Israël. S'insurgeant contre le ciel, il se sera élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. Selon Apocalypse 16, toutes les armées du monde seront rassemblées à Armageddon, un gigantesque champ de bataille couvrant plusieurs régions du Moyen-Orient. Et soudain, Jésus-Christ apparaîtra du ciel pour confondre ses adversaires. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations. Il viendra et tous ses saints avec lui. Zacharie 14, 3 à 5. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1, 7. Et ce sera la foudroyante victoire du ciel sur l'enfer. L'Antéchrist, instigateur de la révolte collective de l'humanité, sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, de même que son prélat, le faux prophète, ainsi que tous les chefs politiques et militaires impliqués dans le complot universel contre Dieu. Assis sur le trône de sa gloire, le Seigneur jugera alors les nations. Ce ne sera donc pas le jugement des individus, prévu pour beaucoup plus tard dans le calendrier de Dieu. Matthieu 25, 32 le précise. « Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Il ne sera donc question ni des personnes, ni de leur salut individuel, mais de récompenses décernées ou de châtiments infligés à des peuples considérés collectivement comme des entités ethniques. Seule la plus haute instance internationale, c'est-à-dire Christ, sera capable de régler le problème éthique auquel les peuples auront été confrontés. Une scène que dépeint aussi le prophète Ésaïe au chapitre 2, versets 3 et 4, et qui, remarquez-le, laisse entrevoir à la fois la réconciliation des peuples et leur désarmement définitif. « De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux ou des charrues, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. En Matthieu 25, les représentants de toutes les nations, assemblés devant le trône de gloire du Seigneur, sont assimilés à des brebis et à des boucs qu'un berger sépare. Et le réquisitoire du roi tiendra en une seule phrase. « Qu'avez-vous fait des plus petits de mes frères ?» Or, quels sont-ils, les frères du Seigneur, sinon avant tout ses frères selon la chair, à savoir les ressortissants du peuple d'Israël. En cette heure suprême, le monde découvrira l'accomplissement, je dirais éclatant et probant, de la promesse faite à Abraham pour sa postérité il y a de cela 4000 ans. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 3. S'adressant à ceux qui seront à sa droite, et voyant parmi eux les bienfaiteurs du peuple d'Israël, le roi leur dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 34. Mais il dira à ceux qui seront à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25, 41. Le texte de ce chapitre nous montre que les uns comme les autres seront surpris à l'ouïe du verdict du roi et demanderont à connaître les minutes de leur procès. Et le Seigneur dira à ceux qui sont à sa droite « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Versets 35 à 36. Alors, ceux qui seront à sa droite s'approcheront du juge. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif? Quand avons-nous vu étranger ou nu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi ?» Versets 37 à 39. Et le roi leur répondra « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Verset 40. Mais aux autres, il devra dire « Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Verset 45. Le divin juge se sera donc identifié au plus petit de ses frères, c'est-à-dire aux ressortissants de son peuple d'autrefois. Bien sûr, cette prophétie comporte aussi une leçon d'éthique qui nous concerne tous, car comme chrétiens, il nous incombe d'assister tous les malheureux, de visiter les malades et les prisonniers, une consigne qui va bien au-delà du seul peuple juif. Il est donc juste que nous nous inspirions de cette parabole dans notre comportement quotidien. Mais n'oublions pas que le premier objet de la prophétie du Seigneur en Matthieu 25 concerne les nations, nos nations respectives, dans leurs relations avec Israël. Le peuple juif a été dans le passé et sera toujours davantage à l'avenir la pierre de touche de la bénédiction ou de la malédiction pour les nations. Le divin arbitre jugera les nations en fonction de leur relation avec la nation d'Israël. L'antisémitisme sera la cause déterminante d'une grave condamnation collective, alors que l'assistance et le soutien apportés aux Israélites de la dispersion, comme aux Israéliens, sera la cause d'une bénédiction croissante. Divers passages de l'Écriture sainte viennent corroborer cette interprétation de Matthieu 25, parmi lesquels citons Michée 5, Joël 3, Zacharie 14 et Apocalypse 16. Les signes annonciateurs de l'avènement de Jésus en vue de son règne terrestre, énumérés en Matthieu 24 et 25, s'accomplissent donc sous nos yeux. Israël a retrouvé sa patrie et les nations sont en train de prendre position devant Israël comme devant le roi des rois, décidant maintenant si elles seront à sa droite ou à sa gauche lors de son retour. Bien sûr, dans le cadre de cette causerie radiophonique, je n'ai pas pu m'arrêter sur toutes les implications de ces versets, dont il y aurait beaucoup à dire. Je me suis borné à des généralités. Mais de ces généralités se dégage un fait essentiel pour nous. Si dès aujourd'hui les peuples déterminent leur avenir, à combien plus forte raison en est-il ainsi de nous, serviteurs du Maître? Des serviteurs qui devraient, dès maintenant, se tenir debout devant le roi qu'ils attendent. Des serviteurs qui, s'étant laissés avertir par le Seigneur, vivent dès maintenant de la glorieuse espérance qui s'attache à son retour. Aussi, me semble-t-il que je ne puis mieux faire pour conclure cette série d'émissions consacrées au discours de Jésus sur le mont des Oliviers qu'en évoquant à nouveau le mot d'ordre donné par le Seigneur à ses disciples tel que le reporte Luc 21, 27 à 28. On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Ce qui nous conduit à l'épilogue de tout le discours du Mont des Oliviers, au verset 36 de ce même chapitre. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Chers auditeurs, si cette étude de Matthieu 24 et 25 avait pour résultat pratique de nous redonner espérance et courage afin que nous soyons tous debout devant le Seigneur lorsqu'il paraîtra, elle aurait alors pleinement atteint son but. Que le Seigneur vous bénisse.